Voici votre bulletin régional. Le 1er décembre à 19h, à la grande salle de l'hôtel de ville de Scotstown, on présente Le Grinch, version française du film Dr. Seuss How the Grinch Stole Christmas. Entrée libre. Le souper des fêtes de la Féasse de Hastings aura lieu le 8 décembre à l'auberge Le Brest à 18h. On doit réserver avant le 2 décembre. Bienvenue aux membres.